بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on commence le cours numéro 3 dans la lecture et l'explication de Al-Jurumiyya avec son charh, le charh de qui s'intitule Al-Mumti' fi Sharh Al-Jurumiyya, écrit par Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mahdari, un des élèves de Sheikh Muqbil. Et donc des fois on utilise aussi At-Tuhfat al-Saniya également comme explication. Donc le cours d'aujourd'hui c'est Al-I'rab ou Al-Bina. Al-I'rab ou Al-Bina. Et il y a plusieurs points qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre. Parmi les points, on va voir premièrement Al-I'rab, qu'est-ce que ça signifie. Ensuite, on va voir deuxièmement Al-Bina, qu'est-ce que ça signifie. Et on va donner des définitions de chaque terme avec des exemples, Inch'Allah. Donc, si vous pouvez prendre des notes, tant mieux. Sinon, Alhamdulillah, c'est pas grave. Vous pouvez quand même suivre avec les exemples au tableau. Inch'Allah. Donc on va commencer avec la lecture du livre et de l'explication dans le charh. Al-Bab al-I'rab wal-Bina. Donc dans qu'est-ce qui a précédé, on a vu les signes de qu'est-ce qui compose al-Kalam dans la langue arabe, et on a dit que c'était divisé en trois catégories: al-Fi'l, al-Ism wal-Fi'l wal-Harf. Le nom, le verbe et al-harf, c'est les articles, les prépositions et ainsi de suite. Les conjonctions, les prépositions et ainsi de suite. Maintenant, on va passer à un autre chapitre qui s'appelle al-i'rab ou al-bina. Et al-i'rab, c'est une des particularités de la langue arabe. Une des choses, parmi les choses qui sont spécifique à l'arabe, c'est que en fait en arabe il y a des déclinaisons, il n'y en a pas en français. Donc pour quelqu'un qui parle français, c'est peut-être pas évident, puisque quand on parle en français, eh bien on connaît le sujet, le verbe et l'objet, on les reconnaît par rapport à leur position dans la phrase. Ok? Par exemple, si je dis par exemple Julie aime Paul, on comprend que dans cette phrase, celui qui fait l'action, c'est Julie. Le verbe, c'est le verbe aimer, hein? La troisième personne du singulier, et puis Paul, c'est l'objet. L'objet, c'est-à-dire celui qui subit l'action. Celui qui subit l'action. Ou qui reçoit l'action. Ça, c'est en français. En arabe, c'est un petit peu différent. En arabe, on reconnaît ces choses-là par des indications qui sont à la fin des mots. En fait, al-i'rab, c'est ce que ça signifie, comme on va le voir. Al-i'rab, قال المصنف باب الاعراب. الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا. C'est-à-dire que l'imam al-Jurumi, il dit que al-i'rab, c'est la transformation ou le changement de la terminaison des mots. Ok, la transformation ou le changement de la terminaison des mots. Et qu'est-ce qui fait que ces mots se transforment ou se changent? Eh bien, c'est par rapport aux éléments agissants sur ce mot dans la phrase. Et c'est soit qu'on va voir apparaître cette transformation ou ce changement dans le mot lui-même, parce qu'il y a quelque chose qui va être ajouté ou enlevé, yani on va le voir, ou bien que ça va être sous-entendu, qu'il y a ce changement-là, lorsqu'on ne peut pas voir le signe de ce changement être apparent dans le mot à cause de quelque chose qui empêche que ce signe apparaisse. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par changement? Et qu'est-ce qu'on veut dire par les éléments qui agissent sur le mot? On parle quand on parle des changements, on veut dire, comme le cheikh l'a expliqué, al-sharh, lamma faragha al-musannif min bayan al-ism wal-fi'l wal-harf, shara' fi bayan anna kull wahid minha la yakhlu akhiruhu min i'rab aw bina. C'est-à-dire que dans la langue arabe, l'auteur il nous a expliqué maintenant que la parole elle se divise en nom, en verbe et en harf. Ism, fi'l, harf. C'est les trois composantes de al-kalam en arabe. Ensuite, l'auteur il a expliqué que ce soit un nom, un verbe ou un harf, il va avoir une terminaison qui va lui être particulière ou qui va être parfois changeante ou qui va être parfois fixe. C'est ce que signifie al-i'rab wal-bina. Al-i'rab, ça veut dire que la fin du mot, elle va changer. Al-i'rab, ça veut dire que la fin du mot, elle va changer selon les éléments dans la phrase ou dans le contexte qui agissent sur le mot et selon le rôle du mot dans la phrase. Donc il y aura un changement à la fin. Soit que ça va être un mot qui se termine par fatha, ou que ce soit un mot qui se termine par kasra, ou bien que c'est un mot qui se termine par dhamma, ou bien parfois ça va être sukun. Ok, donc c'est un de ces quatre qu'on appelle justement l'i'rab. Ok, et donc c'est comme il l'a expliqué le chef ici, c'est qu'il y en a des mots qui sont fixes, c'est-à-dire que peu importe qu'est-ce qui agit dessus, il va toujours rester pareil. Si il est fixé, il est bâti comme sur la fatha, il finira toujours avec fatha. Peu importe qu'est-ce que tu vas mettre devant, il va toujours finir avec fatha. S'il est bâti sur al-sukun, al-jazm, on appelle ça al-jazm, donc il termine avec un sukun, il va toujours finir avec sukun, peu importe qu'est-ce qui va venir devant. Et il y en a d'autres mots qui sont mabni ala al-fath, mabni ala al-kasr, il y en a qui finissent toujours avec une kasra, toujours avec une fatha, toujours avec une dhamma, selon le mot, d'accord. Et il y en a d'autres qui sont mu'arab, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixes, ils peuvent changer, d'accord. Donc c'est les différentes sortes de mots qui vont parfois être mabni. Mabni, ça veut dire al-bina ou mabni, ça veut dire il change pas, il va toujours être pareil. C'est comme mabni, al-bina, ça veut dire une construction. Hein? Al-mabna, on appelle ça en arabe, mabna, on appelle ça un immeuble. Un immeuble, on appelle mabna. Mabni, ça veut dire quelque chose qui est construit. Il est construit comme ça, il peut pas changer. Peu importe qu'est-ce qui va venir dans la phrase pour le faire changer, il changera pas. Donc on va voir quels sont les mots qui sont maintenus. Hein? Une fois qu'on les connaît, ça rend les choses plus simples parce qu'on sait que ceux-là, ils ne changent pas dans la phrase. Même s'il y a quelque chose de différent devant, ça va toujours être pareil. Puis il y a qu'est-ce qui est mu'arab. Hein? Donc qu'est-ce qui est mu'arab, ça veut dire qu'il change. Hein? Qui est affecté par qu'est-ce qui est devant. Mu'arab, on écrit mu'arab. Mim, Aïn, Ra, Ba. D'accord. Après, il dit وَالْإِعْرَابُ هُوَ تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ لِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ أي تصير أحوال أواخر الكلمات من حالة الرفع إلى حالة النصب أو الجر بسبب دخول العوامل pardon. Donc, il dit, c'est-à-dire que, quand on dit que l'i'rab, c'est le changement de la fin ou de la terminaison des mots à cause des éléments qui agissent sur ces mots-là, le cheikh, il explique et il dit... Lequel mot arabe? Mim, Mim, Aïn, Ra, et Ba. Mot arabe. Et l'autre, mabni, c'est mim, ba, mab, ni, nun, ya. Mabni. Ça vient des termes al-i'rab ou al-bina. Bon, le titre du chapitre, c'est ça. Ici. D'accord? Même si dans l'ajroumiya, c'est pas ça le titre. Dans l'ajroumiya, le titre, c'est al-i'rab. Je crois que ça, c'est uniquement al-i'rab. Mais le dans, c'est ça. Bab al-i'rab. Mais dans le sharh, le cheikh il a écrit al-bab al-i'rab wal-bina. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des livres de grammaire qui sont plus avancés ou plus élaborés. Naam. Donc, il dit. C'est quoi l'i'rab? C'est que l'état des mots ou de la terminaison des mots, l'état de la terminaison des mots change de arraf, de l'état de arraf, c'est-à-dire quand le mot est fini par une dhamma, on dit que le mot est marfou. Je ne sais pas si tu connais ces termes-là déjà. J'ai oublié, c'est comme s'ils les ont fait quand j'ai fait ça. Ah, on disait juste ça termine par Dhamma, par quelque chose, j'ai oublié les noms okay. Avec le grammaire, mais je sais de quoi c'est pas. D'accord. Donc on va faire un. Tu sais à quel moment ça finit par qu'est-ce que c'est Dhamma, j'ai oublié le nom des règles. Ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça veut dire que si un mot finit avec une Dhamma, on dit qu'il est marfou. Et on va dire le signe de son raf'a, c'est ad-damma. Alamatu raf'ihi ad-damma. Dans certains cas, parce que ce n'est pas le seul exemple de raf'a. Il y a plusieurs signes de raf'a. On va le voir plus tard, ça. Après, il y a majrour. On dit si quelqu'un, un mot finit par kasra, on dit qu'il est majrour. Et si un mot finit par sukun, on dit qu'il est majzoum. Alamatu jazmihi as-sukun. Dans le nazm de al-Ajroumiyya, c'est comme ça que ça dit. Bab al-i'rab, i'rabuhum taghyiru akhir al-kalim taqdiran aw lafdhan li'amilin 'ulim. أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل غير الاسم في الأسماء والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. يعني الإعراب هم تغيير آخر الكلم. C'est-à-dire l'إعراب, c'est le changement de la fin, de la terminaison des mots. taqdiran ou lafdan. C'est-à-dire, soit que tu le vois dans le mot le changement, ou soit que tu le vois pas, mais il est sous-entendu. Taqdiran, taqdir, c'est-à-dire qu'il est sous-entendu, mais il n'est pas écrit, tu le vois pas. Ou lafdan, c'est-à-dire tu le vois directement sur le mot. Les amelin ulim, à cause d'un agissant qui agit directement dessus, et qui est connu. Aqsamuhu arba'atun. Il y a quatre catégories de d'i'rab. Aqsamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kadha jazmun wa jar. En fait, c'est pour ça qu'il le faut seulement une règle apparente, c'est quand on mémorise. Quand on l'a, quand il y a le livre sans le char. Oui, c'est ça. Pour mémoriser les règles. Comme c'est ça. C'est juste pour mémoriser les règles. Après, le reste, tu le comprends parce que tu as étudié le char. Donc, tu as mémorisé l'explication, tu comprends par la suite. Ok? Et donc, c'est ça. Ici, le cheikh, il a donné des exemples. Mithaluhu, al-tagayyur al-hasil fi harakati akhiri rajulin min qawlihi ta'ala qala rajulun wa qawluhu ataqtuluna rajulan wa qawluhu awhayna ila rajulin. ففي الآية الأولى رفع رجل لأن العامل قال عمل فيه الرفع لأنه فاعله. Donc on va y aller un par un, ok. Le cheikh il a donné trois exemples pour donner des exemples par rapport à l'i'rab. Et il donne l'exemple de l'i'rab du mot rajul. Rajul. Ok. Dans le Coran, dans plusieurs versets, on retrouve le mot rajul. Et avec des i'rab, un i'rab différent. Donc le premier exemple que le cheikh a donné c'est qala rajulun. Ici. Qala rajulun. Ici. Donc qala rajulun, ça veut dire un homme a dit. Qala rajulun. Donc j'ai mis l'i'rab, je l'ai mis en rouge. C'est le tanwin avec deux dhamma. Hein? Ça veut dire qu'il est marfou. Ici, qala rajulun. Donc ici, il est marfou. Et le signe qu'il est marfou, c'est parce qu'il y a yani at-tanwin avec deux dhamma. Ok? Ici, ataqtuluna rajulan. Ok. Donc, ataqtuluna rajulan. C'est-à-dire, ici on voit que il est mansoub parce que ouais, c'est quand il y a une fatha. Quand le mot finit par une fatha, on dit qu'il est mansoub. Et on dit son signe c'est an-nasb. Donc on va dire alamatu nasbihi al-fatha. Ok. Donc an-nasb. D'accord. Donc ici, ataqtuluna rajulan, rajul, il est mansoub, et le signe qu'il est mansoub, c'est, yani, al-fatha. Donc on a mis un tanwin ici qui est deux fatha collés ensemble, ça veut dire, on dit ataqtuluna rajulan. Et ici, le troisième exemple, awhayna ila rajulin. Awhayna ila rajulin. Oui, parce qu'il y a ila qui est harf jar, donc rajul est majrour. Le signe de son jar, c'est le tanwin avec deux kasra. Hein? Donc ça, c'est. Yani alamatu zahira. C'est des signes apparents de son i'rab. D'accord? Donc, qala rajulun. On voit que ça change. Qala rajulun. Ataqtuluna rajulan. Et awhayna ila rajulin. Dans le deuxième, c'est qu'est-ce qui fait qu'il est rajulin? On va l'expliquer. On va l'expliquer. Je vais lire l'explication du cheikh, ce qu'il a dit. Donc, pour le premier exemple, dans le premier verset, c'est, je pense, c'est la surat al-Ghafir, le verset 28. Il dit, qala rajulun, il dit, Rufi'a rajul. Donc on a mis le mot rajul il est marfou. Et le signe de son raf, c'est quoi? C'est la dhamma. Hein? Et qu'est-ce qui fait qu'il est, pourquoi il est marfou? Pourquoi il prend une dhamma? C'est parce que il y a l'élément qui agit dessus, qui agit sur le mot rajul, c'est le verbe qala. Le verbe qala qui est yani à la troisième personne du singulier. Qala rajulun. Donc c'est le verbe et le sujet de ce verbe c'est rajul. Qui a parlé, qui a dit, c'est l'homme. Donc étant donné que c'est lui le sujet, le sujet il est toujours marfou en arabe. Le sujet il est marfou. Donc ça c'est l'explication ici qui est donnée. Après il donne l'autre exemple pour le deuxième. نصب رجلا لأن العامل تقتلون عمل فيه النصب لأنه مفعول به. Okay. Donc ici, رجل il est فاعل de قال. Ici, رجل il est مفعول به de تقتلون. تقتلون ça veut dire quoi? Vous tuez. La question ici c'est une question parce qu'il y a alif. Hamzatul istifham devant. Donc c'est comme hal. Donc c'est pour poser une question. Allez-vous tuer? Vous voulez-vous tuer? Hein? Tuez-vous un homme parce qu'il dit ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Uniquement parce qu'il croit en Dieu, vous voulez le tuer? Donc c'est ça le verset. Donc ici pourquoi il est mansoub? Pourquoi il prend une fatha? C'est parce que il est objet de vous tuer. Il est objet du verbe taqtulun. Donc, puisqu'il est l'objet, en arabe on l'appelle l'objet, on l'appelle le al-maf'oul, maf'oul bihi. C'est-à-dire, c'est lui qui subit l'action. Dans la première phrase, rajul, c'est lui qui fait l'action. Donc il est le sujet. C'est pour ça qu'il est marfou. Dans la deuxième phrase, c'est pas Rajul qui fait l'action, c'est lui qui subit l'action. Et donc pour cette raison-là, on lui met une fatha parce qu'il est mansoub à cause du fait qu'il est objet. Okay. T'as compris? Le maf'oul bihi. Et dans la troisième phrase, awhayna ila rajulin, le mot rajul est précédé par ila. Et ila est harf jar, et donc il prend une kasra. Le cheikh il explique lui, il dit wa fil ayati thalitha jurra rajulin li anna al amil ila amila fihi al jar li annahu ismun majrur bihi. Donc le mot rajul il subit l'effet de ila qui fait partie des huruf al-jar, hein. Donc c'est une préposition qui veut dire à ou vers, hein, c'est-à-dire ila, hein, nous avons révélé à un homme, nous avons révélé à un homme. Donc Allah il dit awhayna ila rajulin, on a révélé à un homme. Ça vient de al-wahyu. Al-wahyu, c'est la révélation. Ok? Puis awhayna, c'est-à-dire nous avons révélé. Donc c'est Allah qui parle. Il parle au pluriel. Il parle de sa personne au pluriel. Et c'est le pluriel de majesté. Donc il dit awhayna ila rajulin. Ila, c'est un harf jar, et donc rajul il est majrur à cause de ila. Donc il dit fahada at-taghyir min halat ar-raf' ila halat an-nasb ila halat al-jar huwa al-i'rab. Fahada at-taghyir min halat ar-raf' ila halat an-nasb ila halat al-jar huwa al-i'rab. Voilà l'i'rab, c'est ça l'i'rab. Quand le mot il passe de marfou vers et il devient majrur, il passe du raf au jar, et il passe du jar au nasb. Tout ça, c'est ça l'i'rab, ok? C'est ça l'i'rab. Après, qu'est-ce qu'il dit? هذه الحركات الضمة الفتحة الكسرة هو الإعراب هو على هي علامات الإعراب. Donc الفتحة الكسرة الضمة ça c'est les on appelle ça علامات الإعراب. C'est ça qui est après dans la Jumia bab علامات الإعراب. Ça va suivre après. Ça qui va venir comme explication par la suite. On va voir ça dans les cours, prochains. Ça qui va suivre. Ok? Et il dit وهذه الكلمة التي تغير حال آخرها هي المعرب. Donc, ces mots, comme le mot rajul, ici, le mot rajul, il est mu'rab. Pourquoi il est mu'rab? Parce qu'on le voit. Il a subi les changements. Il a été changé de raf à nasb et al jar. Donc ça veut dire que s'il accepte ces changements-là, donc il est mu'arab. Exactement. Tu as tout compris. Barakallahu fik. Donc, c'est ça. Des fois, dans les cours d'arabe classiques, on va te demander, par exemple, donne-moi l'i'rab de telle phrase. Okay? Ils vont dire par exemple donne-moi l'i'rab de qala rajulun. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie le mot i'rab? Ça signifie donne-moi l'analyse grammaticale. Ça veut dire toutes les possibilités qui peuvent changer le... Ça veut dire en fait que tu expliques la phrase telle qu'elle est, puis tu expliques c'est quoi le rôle de chacun de ces mots. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu expliques chacun de ses rôles et tu vas mentionner le signe de son i'rab. Donc on a vu aujourd'hui que le cours c'était sur al-i'rab wal-bina. Al-i'rab, on a expliqué qu'est-ce que ça signifiait. C'est la définition qui est écrite en rouge. Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalim. L'ikhtilaf al-awamil al-dakhila alayha lafzan aw taqdiran. C'est-à-dire que l'i'rab, c'est le fait que la fin des mots change à cause des éléments qui affectent le mot, hein, qui ont un effet sur le mot, soit que tu vois l'effet sur le mot lui-même, ou que c'est un effet qui est pas visible sur le mot lui-même, mais qu'il est sous-entendu. Mais ça, on va l'expliquer après. Al-bina, ça veut dire que le mot il est toujours pareil. Il y a certains mots en arabe, peu importe qu'est-ce qu'il y a devant, il va toujours finir avec le même élément dessus. Donc quand on parle des éléments, de l'i'rab, l'i'rab c'est les quatre états du mot. Soit qu'il est marfou à cause du fait qu'il a une mamma, majrour parce qu'il termine avec une kasra, mansoub parce qu'il termine avec une fatha, et majzoum parce qu'il termine avec soukoum. D'accord? Et quand on le décrit dans le mot, on dit hein, que yani, on dit de son état, on dit c'est l'état de al-raf, l'état de al-jar, l'état de al-nasb et l'état de al-jazm. D'accord? Ça c'est très important, tu dois les apprendre par cœur et tu dois les connaître tout le temps, tu dois les savoir. Comme tu connais Fatha, Kasra, Dhamma et Sukun, tu dois les connaître. Ça là, tu dois savoir ça par cœur, au bout des doigts. Tu dois même pas essayer de chercher à « Oh, je m'en rappelle plus ». Non, il faut que tu le saches par cœur. Quand il y a Marfou, ça veut dire « Est-ce avec un Dhamma ». Ouais. Quand il y a Majrou, ça veut dire « C'est un Kasra ». Ouais. Quand il y a Mansou, ça veut dire « Elle est sub » avec Fathatin. Fatha. Fatha aussi. Majzoum. Majzoum. Soukoun. À la fin, ça. Il termine avec soukoun. C'est la dernière lettre. La dernière lettre du mot. Du mot, ok. Pas la fin du jumla. Non, c'est le mot. Okay. C'est le mot seulement. Donc, on a donné trois exemples que le cheikh a donné dans le livre pour faire comprendre un peu plus facilement l'arab. C'est trois versets dans le Coran. Le premier, c'est. قال رجل Le deuxième c'est ataqtuluna rajulan, et le troisième c'est awhayna ila rajulin. Trois versets dans le Coran, et on emploie le même nom pour aider à voir la différence entre les trois exemples. Dans les trois exemples, on voit que l'état du mot est différent et que la terminaison change. Le fait que le nom Rajul change dans les trois, c'est la preuve qu'il est Mu'rab. Je ne l'ai pas écrit là, mais je vais l'écrire ici. Ok. Quand un mot change à la fin, on dit qu'il est Mu'rabun. Et quand un mot ne change jamais, peu importe qu'est-ce que tu mets devant, eh bien on dit qu'il est mabni. On va donner des exemples de qu'est-ce qui est mabni après. Mais on voit ici qu'il change. Qala rajulun ataqtuluna rajulan awhayna ila rajulin. Ici, pour commencer, bon, je vais te laisser terminer d'écrire. Puis après, quand tu as fini, tu me diras que tu es prêt. Comme ça, on va continuer. Bon, le premier exemple, Rajul, on voit qu'il termine avec deux dhammas. Ça, c'est le signe qu'il est marfour. Ok? Mais pourquoi il est marfour? Pourquoi il est marfour? Parce que le mot qui agit sur Rajul, c'est le verbe qala. Ok? Donc, Rajul est en fait le fa'il de qala. Et étant donné qu'il est le fa'il de qal, eh bien, il va toujours être marfour. Ici. Parce que le fa'il, il est marfour. Le fa'il, alors quand. C'est lui qui fait l'action. Ça veut dire c'est lui qui fait l'action. C'est ok. Man qal ar-rajul. Qal ar-rajul. Qui a dit? C'est l'homme qui a dit. Donc c'est lui qui fait l'action. Donc il est fa'il. Et le fa'il il est marfou. Ici ataqtuluna rajulan. Ça veut dire c'est dans le verset. Wa qala ataqtuluna rajulan. أن يقول ربي الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Donc est-ce que vous allez tuer un homme, hein, vous tuez un homme parce qu'il dit je crois en mon Seigneur est Allah, vous tuez un homme parce que, hein, donc il pose une question, est-ce que vous tuez un homme parce qu'il dit son Seigneur c'est Allah? Donc ici Rajul, c'est pas lui qui fait l'action. Parce que c'est l'homme qui pose la question à propos des gens de Pharaon, la famille de Pharaon, qui veulent tuer un homme parce qu'il a la foi, parce qu'il croit en Allah. Donc, qui fait l'action ici? C'est pas lui. Lui, il subit l'action parce que c'est qui va se faire tuer? C'est l'homme qui va se faire tuer. Ici, c'est lui que l'action, c'est l'homme qui dit. Tandis qu'ici, c'est l'homme qui fait, qui va se faire tuer, qui subit l'action, donc il est mansoub, il est maf'oul bihi, hein? Donc ici là rajul et fa'il. Tu veux que je te mets le bureau par-dessus toujours pour te décrire? Non, c'est correct. Et ici rajul, il est maf'oul bihi. Et ici awhayna, awhayna, ça veut dire nous avons révélé. Awhayna, ça vient de l'wahyu, al-wahyu, hein? Awha, c'est quand Allah dit, yani awha, c'est-à-dire il a révélé. Awhayna, nous avons révélé. Il a vers, hein, ou à un homme, rajulin. Ici, ça, il a ses harf. Harf jar. Et donc, étant donné que Rajul est après un harf jar, il est majrour. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, il est majrour parce qu'il est après un harf jar. Et le signe qu'il est majrour, c'est avec tanwin qui est ici, mais qui est deux sukun. Donc, c'est majrour à cause de deux sukun. Non, c'est-à-dire que soit un ou deux, ça dérange pas. C'est majrour. Ici, c'est majrour qu'il y en ait un ou deux. Ici, c'est mansoub qu'il y en ait un ou deux. Non. Rajulan ici, ataqtuluna rajulan. Et le mansoub qu'il y a un fatha ou deux fatha, selon le cas ici, c'est parce qu'il est nakira. Ici, il est nakira et ici, il est nakira. Il est indéfini. Il n'y a pas alif lam devant. Mais si c'était alif lam devant, ça serait un seul kasra. Un seul fatha et un seul dhamma. D'accord. Ok. Bon, ça c'est pour cet exemple-là. Là, je vais vous donner d'autres exemples que j'ai dans un autre livre qui va vous aider à comprendre. Donc, on continue. Juste pour vous donner un autre exemple de l'Arab, pour que ce soit clair, on met des versets de Coran souvent dans les livres de grammaire. Parce que les professeurs savent que les élèves mémorisent plus facilement les versets de Coran. Juste, muslim, lis le premier verset. Allahu nuru an Allahu nuru samawati wal ard. Ah. Ouais, c'est ça. Non. Ok, Allahu nuru samawati wal ard. Ok, et le deuxième verset. Oui. Fa'budu. Ok, et le troisième verset. Non. Attends. Exact. D'accord. Donc, comme l'exemple qu'on a vu plus tôt, ici, on voit le premier verset. Allahu nuru samawati wal ard. Quand on parle de grammaire, puis qu'on a affaire avec Allah, le nom d'Allah, on ne dit pas Allah est mansoub ou Allah est mansoub. Parce que ça, c'est manque de respect envers Allah. T'imagines dire Allah est majrour? Majrour, ça veut dire rabaissé. T'as pas le droit de dire que Allah est rabaissé. Donc, on dit à la place, qu'est-ce qu'on emploie comme expression? On emploie l'expression suivante. Lafzul jalalati. Ok? Donc, quand tu vas parler d'Allah, et que tu veux faire l'analyse, ou tu parles de quelque chose qui a rapport à la grammaire, et tu veux faire l'i'rab du mot, Allah, ou du nom Allah, tu vas dire lafzul jalala. D'accord? Donc ici, on va dire que lafzul jalala, il est... On va faire plus simple. C'est quoi ça? Ça, c'est le dhamma. Quand un mot finit par un dhamma, on dit quoi? Non, il est marfou. Okay. Donc, si je te demande de me dire c'est quoi l'i'rab de samawat ou de al-ard, ça va être différent. Ou de nour, ça va être différent. Mais là, ici, je te demande Allah, lafzul jalala, c'est Allah. Donc, ici, c'est quoi son i'rab? C'est qu'il est marfour. Et c'est quoi le signe? Ok, le deuxième verset. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Encore lafzul jalala. On se concentre que sur ce mot-là, que sur ce nom-là. Pas les autres dans la phrase. Donc, ici, c'est quoi l'i'rab de Allah dans ce verset? Regarde pour savoir, première chose que tu fais, tu regardes le mot, puis tu regardes c'est quoi son signe à la fin. Ok, donc quand un mot finit par fatha, on dit à son sujet qu'il est Mansoub. Exactement. Et ici, pourquoi il est Mansoub? Ici, Allah est mansoub à cause de inna. Non, Ok, c'est ça la réponse. On n'a pas vu ça de toute façon, donc c'est pas grave. Et ici, c'est quoi le signe du dernier? Par quoi il finit le mot? Ok, donc quand il finit par kasra, on dit qu'il est majrour. Exactement. Donc le mot, il est majrour. Là, le signe qui donne ça, c'est kana. Non, c'est pas kana. Ok. Ah, c'est harf jar. Oui, oui, oui. C'est harf jar. Exactement. C'est harf jar. Ça veut dire ma kana lillah. Hein? C'est-à-dire an yattakhidha min walad. C'est-à-dire il n'appartient pas à Allah qu'il prenne un enfant. Hein? Un enfant. Donc le lam, c'est un harf jar. Et donc pour ça, l'afdul jalal ici, il est majrour. Ouais, parce que ça c'est très important. On avait parlé de ça dans les cours précédents, mais là on le revoit, mais là on se concentre plus sur ça, puis on va donner plus d'exemples après, inshallah. Ok, maintenant on passe à la signification de la parole de l'auteur lorsqu'il a expliqué dans la définition qu'il a donnée de al-i'rab. Il a dit que c'est l'i'rab, c'est le fait que la fin d'un mot change à cause des éléments qui l'affectent, ok, soit que c'est tu le vois littéralement, tu le vois dans le mot directement, tu vois l'effet, ou taqdiran lafzan ou taqdiran. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire taqdiran. On a dit que c'est lorsque c'était sous-entendu, c'est-à-dire que parfois tu peux pas voir l'effet, tu peux pas voir l'effet de l'état du mot sur le mot lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a certains mots qui sont particuliers. On va le voir ici. Le cheikh il dit معنى قول المصنف لفظا أو تقديرا أي أن الإعراب قد يكون ظاهرا أو مقدرا. Ok. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que parfois l'i'rab il va être apparent, comme ici. Ici on voit l'i'rab parce qu'il est là. Tu vois, c'est quoi l'i'rab ici encore? Ouais, bravo, barakallahu fik. Donc l'i'rab ici il est apparent, on le voit direct. Mais là je vais te donner d'autres exemples, puis là tu vas voir que c'est pas aussi facile que cela parfois. Des fois, il y a des petites, comme on dit, des petites attrapes. Ok. Juste une question. Maintenant, quand je comprends bien, quand on dit, ah, je crois les erreurs du mot, c'est toujours regarder seulement le mot, puis il y a kasra, fatha, d'abord. Ça, c'est ça. C'est-à-dire les arabes. Les arabes, c'est-à-dire, ça là, c'est pour voir. Comme, c'est pour dire l'i'rab, quand on te demande l'i'rab d'un mot, c'est ça que ça veut dire en général. Comment il, c'est quoi qui, par quoi il finit, okay. C'est quoi le signe à la fin, puis pourquoi il est comme ça. Okay. Mais là, d'expliquer pourquoi il est comme ça, des fois c'est un petit peu plus compliqué, puis des fois on va te demander de faire l'i'rab d'une phrase au complet. Ça veut dire qu'il faut que tu expliques chaque mot dans la phrase, un par un, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'il a comme rôle, et pourquoi il est comme ça. Donc ça c'est pas encore rendu là. Ok. Donc maintenant je te donne un autre exemple, ok, que le cheikh il a donné. Ok. Voici trois exemples. Non mais là c'est autre chose. Maintenant on rentre dans le taqdir. C'est-à-dire on va voir les signes qui sont zahiran, zahir, regarde, zahir, quand le signe ou l'i'rab il est zahir ou muqaddar. On va le voir, ok. Muqaddar, tu veux savoir comment ça s'écrit? Mim, qaf, dal, ra. Mais il y a une shadda sur le dal. Alors, ça, c'est muqaddar, mim, قد د قد ميم قاف دل را On n'est pas encore rendu là, le musulman. Même si tu essaies de comprendre, là, tu vas pas comprendre, parce que j'ai pas encore écrit l'exemple. Là, je vais les écrire trois phrases. Je vais écrire trois phrases, puis ça va vous donner l'exemple. Ok. Ici, musulman. Tout à l'heure, tu m'as donné les arabes. Donc, ça, je te dis, ici, les arabes, il est zahir. Maintenant, je te demande de me donner les arabes de me lire premièrement ces trois phrases. Commence par lire les trois phrases. Ja'al-fata. Ok. Ra'aytul-fata. Ra'aytul-fata. Ra'aytul-fata. Ok. Salam-tu-al-fata. Oui. Ok. Maintenant, je te demande de me donner les arabes de ce mot-là, fata. Ok. Ça finit avec un fata. Alors, ok. Quand c'est fatha, c'est quoi? Quand c'est fatha, c'est mansoub. D'accord. Ok. On va passer à la deuxième phrase maintenant. Ra'aytul fatha. Mansoub aussi. Ok. Et le troisième? Salamtu ala al-fatha. Ya ala. Ala c'est jar. Jar. Harful jar. Harful jar. Donc quand il y a ala. Quand il y a ala, c'est vu avec un kasra. Ok. Mais là, c'est quoi qu'il y a? Ok, donc il est? Il est mansoub. Ok. C'est ça la différence entre quand l'arabe il est zahir et là, lorsqu'il est muqaddar. Lorsqu'il est muqaddar, la réalité c'est que ici, il y a un dhamma, ici, il y a une fatha, et ici, il y a un kasra. Mais on ne peut pas le mettre à cause du alif maqsoura. Donc quand il y a une lettre qui a la fin, qui empêche de laisser paraître le signe de l'i'rab, eh bien, on dit que l'i'rab, il est muqaddar. Muqaddar, ok. Donc, ici, c'est. Ici, fata, il est marfou'. Ici, il est mansoub. Ah non, ici. Il est mansoub, ouais. Malgré qu'il finit avec un fatha. Ouais, non, mais en général, quand c'est fatha, ça finit toujours mansoub habituellement. Ah. Mais pas là. Là, c'est mansoub, mais pas parce que ça finit par une fatha. À cause de alif mansoub. Et ici, c'est majrour. Ok, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que, au fur et à mesure que tu avances dans la grammaire, tu vas comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'un mot est mansoub ou marfou ou majrour, même si le signe ne peut pas apparaître, tu le sais quand même. Pourquoi tu le sais? Parce que ici c'est Dja al-Fata. Donc, Fata il est quoi? C'est quoi son rôle? Dans cette phrase, il est le fa'il. Et le fa'il, on a dit qu'il est marfou, le fa'il. Donc, qui est-ce qui vient? Qui est-ce qui vient? Dja al-Fata. C'est qui vient? C'est elle. Qui est-ce qui vient? C'est le garçon. Donc, étant donné que c'est lui qui vient, c'est lui qui fait l'action, donc il est fa'il, donc il est marfou. Mais ici, on ne peut pas mettre le signe d'amma, parce qu'à cause du alif maqsoura, donc il est muqaddar. Hein? Non, pas juste ça. Il y a d'autres exemples. Oui, il y a d'autres cas dans lesquels on ne peut pas mettre le signe. Mais ça, c'est un des cas. Donc, on va dire marfou, li'annahu fa'il, wa'alamatu raf'ihi al-dhamma al-muqaddara ala akhirihi lit-ta'azzur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire quand on va dire son i'rab? On va dire le signe de son i'rab, c'est une dhamma, mais muqaddara. Ok? Donc ici, on va dire que le signe de son i'rab, c'est ad-dhamma al-muqaddara. Donc si pour le marfou, on dit que c'est une dhamma muqaddara, qu'est-ce qu'on va dire pour celui-là, ici? On va dire quoi? C'est un fatha Muqaddara. Oui, Fatha Muqaddara, exactement. Et ici en bas, on va dire quoi? On va dire c'est un Salman, c'est un Kasra Muqaddara. Exactement. Pourquoi? Parce que à cause du. Yani les ta'azzur, on dit parce qu'on est excusé. On est excusé de ne pas le mettre à cause de. Yani du alif maqsura qui nous empêche de le mettre. Donc les ta'azzur. Donc il dit al-muqaddar, il donne la définition. Il dit al-muqaddar huwa alladhi la yadhharu atharuhu fi an-nutqi بسبب مانع من الموانع كالتعذر في آخر كلمة الفتى فإن آخره ألف لا تقبل الحركة وإنما تقدر عليها. OK. Donc c'est الضمه المقدره. Ici il est mansoub pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait l'action, on ne sait pas, mais en fait, c'est celui qui fait l'action, il fait l'action, celui qui subit l'action, c'est Al-Fata. Donc, étant donné que le garçon subit l'action, il est maf'oul bihi, donc il est mansoub. Mais le signe de son nasb, c'est Al-Fatha Al-Muqaddara, le ta'azzur. Et le troisième, Sallamtu Al-Fata. Donc, Al-Fata ici, il est majrour par le harf jar ala, mais on peut pas mettre le signe, on peut pas le mettre, donc on dit qu'il est que son signe c'est une kasra muqaddara. Ok. Excusez à cause de l'alif. À cause de alif maqsoura. Alif. Alif maqsoura. Exact. L'alif dit excusez. Pardon? L'alif. Lafzan, ça veut dire tu le vois, il est zahir. Tandis que taqdiran, ça veut dire c'est muqaddar, tu ne peux pas le voir, mais il est sous-entendu. D'accord? Et non. Donc ça c'est un bon exemple maintenant pour comprendre cette affaire-là. Il y a d'autres cas aussi. Et je vais en écrire d'autres pour vous. Attendez une minute. Mais en fait, je ne vais pas les écrire cette fois-ci pour aller plus vite. Je vais juste vous donner des exemples. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Al-Huda. Ouais. Ok. Al-Huda, ça s'écrit comment? Ok. Donc, un autre exemple de qu'est-ce qui peut être muqaddar, c'est le terme comme huda. Ok, ici وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Donc ici c'est al-huda. Et al-huda, selon le cas, il peut être marfou ou bien entendu mansoub. قُلْ إِنَّ الْهُدَى. Ok, et l'autre c'est Bil Huda. Ok, j'ai pas écrit le verset au complet, mais je vais juste le mentionner, l'écrire comme ça. J'écris juste la première partie. Ok, bon. Bon. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Et قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Et le troisième verset, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Ok, donc ça c'est trois exemples. Et dans ces trois exemples, on voit que dans le premier cas, هدى est marfou. Dans le deuxième cas, هدى est mansou, parce qu'il y a un inna devant. Et dans le troisième cas, هدى est majrour à cause du ba. Donc ici il est marfou, mais on ne peut pas voir le dhamma. Donc on va dire alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara. Ici qul inna hudallahi huwa al-huda. Qul inna hudallahi huwa al-huda. Ici Ici, c'est parce que j'ai mis al, mais il n'y a pas de al. C'est inna hudallah. Qul inna hudallahi huwa al-huda. Qul inna hudallah. Inna, c'est min huruf al-nasr. Ok? C'est comme inna, anna. Ça fait que le mot qui suit va être mansoub. Donc, ici, on peut pas mettre alamatun nasb à cause du alif maqsoura. Donc on va dire ici que c'est fatha muqaddara. Et ici bilhuda, la même chose. On va pas écrire une kasra parce que c'est, yani on va dire qu'il est majrour et que alamatu jarrihi al kasra al muqaddara. Na'am. Donc je pense que ça c'est compris. Donc on va s'arrêter ici les frères pour aujourd'hui inshallah. Donc comme devoir juste reviser les notes de cours aujourd'hui et puis essayer de bien les comprendre, puis essayer de repérer si vous lisez dans le Coran les exemples de mots qui sont majrour ou marfour ou mansoub ou majzoum, on n'a pas vu encore. Mais sinon, les trois, mansoub, marfou' et majrour. Trouvez des exemples dans le Coran et ramenez comme deux, trois exemples. Trois exemples de chaque. Dans le Coran. Dans le Coran. Ok. C'est-à-dire que c'est peut-être difficile des exemples de chaque là, mais si vous trouvez un exemple, essayez juste de ramener trois exemples. Pas besoin de trois exemples de chaque. Trois exemples. C'est-à-dire un mot qui est mansoub, un mot qui est majrour et un mot qui est marfour. Et essayez d'expliquer pourquoi. Essayez d'expliquer pourquoi. Et prenez des exemples simples. Des choses comme ceux qu'on a vus aujourd'hui. Sinon, vous n'allez pas être capable. Tayyib. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين